J'suis pas parti sur de beaux rides, façon tous les chemins mènent à Rome, frère. J'suis perdu dans ce bordel, un peu comme Ardo, ça ref, mec. J'm'en fous du rap, donc j'veux pas de la carrière à Rof, mec. Malgré tous nos efforts, c'est rarement millionnaire que nos rums crèvent. J'ai trop rodé dans les rues de ma ville, j'ai fait fondre l'asphalte. Le fond, la forme, avec ou sans DA au fond de la salle. Yo, les puristes, me jouez pas la carte de la quintessence. Avec des si on mettrait Paris dans un jerrycan d'essence. Les poches trouées, la réussite, c'est pire qu'un jeu de piste. Ça prend pas un euro, mais ça se pavane en t-shirt jeune riche. Lyrique à John, oui, classe billet là, ça bédave pas. J'm'en fous de Booba, moi j'veux un feat avec Alexandre Benalla. Reballe ton vocodeur, j'm'en bats les coups du refrain. Ça fout le seum, donc j'fous le feu, demande à séquelles du 9-1. La vie c'est chaud, chef dans mon grec, j'veux pas d'Arissa. En bénévole, en kick ça, les SLK pas la Hexa. Pas la SLK désastre, on crée le désastre. Comme la raf, on rafle, on est rafle, pas pas la Hexa. Né du méthane de Mars, trepère au sonar, t'écrases comme la vague, c'est les rats. Par la notoire, j'développe mon âme, honoré par de Balzac. Si si, Shakespeare, j'exaille, yes aïe. Plus ça va, moins ça va, j'fais tout pour pas avoir mal. Cité maintes fois dans le livre de la loi, moi et mon IA avec les 7K3. Comme le Tanak, cannibale, comme le bétail, nourri de farine animale. Dessiné par de la croix, pas la Eke et Gargantua. Avec les 7K, on écoute ce son dans une Cadillac. Ennemi, pas abattage, boost, allez, carissage, boum, vas-y, petit dégage. Force pas de force à considérer paria ici bas. Mon avenir, un autre pas, moi je rêve à ceux de carnage, puissant comme Krakatoa dans la fosse des Mariannes. 9-9, non, pour pas la écasse. 6-6-6, rôde autour de moi. Seul sans ayant droit, j'ai pas de part, mais je rappe pour l'intérêt général, international. J'braille pour le monde, multinational. Concert en zone natale, batiale ou abyssale. J'viens des abîmes, j'm'habille mal. Loin d'avoir atteint quota, pourtant expérience en taxe. J'perds plus que j'gagne, mais j'm'en tape. J'dis tout haut ce que les hommes pensent tout bas. J'rappe pour les scélérats et tous les gentils gars. Ouais. J'attendais celui-là. Si, si, les SLK.